m'en fous de car ils m'ont tous blessé. Cherche pas la gloire, je la fête pas non plus. Il reste que les vrais car ils m'ont tous laissé. Rares sont ceux qui en moi ont cru. Oui, j'ai eu l'envie de tout laisser. Oui, j'ai trop fumé quand j'ai trop stressé. Pour que tu me rendes mes sous, je t'ai jamais pressé. Je t'aimais beaucoup, je savais pas qu'au fond tu me détestais. Viens me voir quand tu seras ivre si tu veux. Quand les choses seront plus faciles à dire si tu peux. Viens pas me voir quand je serai plus là, mon poteau. Si t'as la lame comme un homme, je suis là, mon poteau. J'en ai marre, moi tes gens qui mentent. Ouais, laissez-moi seul avec mes bâtiments. Ouais, yo yo yo yo. J'suis pas fou. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, Dieu sache que je sais tout. J'suis pas fou. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, Dieu sache que je sais tout. Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller, oh, ça va aller. Un vrai, dis-moi quand je pars en couille. Quand les dangers te montrent que je suis faible. Dis-moi si entre nous y a-t-il embrouille. Ou si seulement vous faites les fiers. Des fois je coule à en boire des bières. Alors que le jour d'hier était vraiment cool. Pour espérer vivre bien je fais des prières. Tu te la pètes, fais gaffe à toi si le vent tourne. Plein de soucis. Je m'ennuie. J'suis pas fou. Comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, Dieu sache que je sais tout. J'suis pas fou. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, Dieu sache que je sais tout. Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller, oh, ça va aller. Comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, je sens que je sais tout. J'suis pas fou. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer, je sens que je sais tout.